des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes. Nous vivions à nouveau, la guerre était finie. Un jour sans doute le monde en oublierait les flammes. Avec cinq Avengers au jour nous décollâmes. Pour voir la mer scintiller au-dessus des quilles. Le temps était clément, nous volions cap au sud. L'air qui nous caressait faisait vibrer nos ailes. Je sentais dans mon corps le grondement des bielles. Et c'est ainsi qu'un souci en nous glissions. Vers le triangle des Bermudes. Vers le triangle des Bermudes. Vers le triangle des Bermudes. Mes pensées voltigeaient au-dessus des nuages. Ils filaient sans fin l'ombre de mes rémiges. Du goût de leurs ellipses, elles frôlaient des visages. Et des gouffres d'or blanc, volutes calipiges. Sur d'immenses piliers, je voyais dans les cieux l'Olympe formidable recelant en son sein les passions immortelles dites par les anciens, les banquets éternels où s'enivrent les dieux. Sur un lit de vermeil apparut la victoire, odalisque paré d'insolence charnelle. Sa peau avait le grain du marbre de Cara, dans le creux de sa main reposait le soleil. Une aurore boréale paraît d'un voile prude, le creux de ses reins blancs que Polycanova. Sa chair fut éphémère pour le roi qui l'aima, le sachant par amour il la dissimula. Dans le triangle des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes. Alors elle me fixa la gâteuse indicible. Et le choc magnétique qui survint aussitôt brisa mon âme en deux, fit fondre mes fusibles. Projetant dans le Styx mes appareils radio. C'est ainsi qu'appuissant dans le rouge des alarmes, les sens paralysés en complète hébétude, nous piquâmes vers les brumes épaisses de ses charmes, où nous disparûmes le cœur léger, corps et âme. Dans son triangle des Bermudes. Dans son triangle des Bermudes. Dans son triangle des Bermudes. Dans son triangle des Bermudes.